Question 21. Je peux emprunter la route à droite si je conduis une voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une camionnette? Oui, réponse C. Non, réponse D.